Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour cette nouvelle série dédiée au coaching en images et plus précisément à la colorimétrie. Nous avons vu dans notre précédente vidéo les grands principes de la colorimétrie. Je vous propose maintenant, en compagnie de Fabienne Levasseur, de poursuivre notre dossier pour savoir comment définir notre saison, justement, comment définir avec justesse sa saison et connaître un petit peu la gamme de couleurs à privilégier. Fabienne, bonjour. Bonjour Émilie. Alors, que peux-tu nous dire justement comment je peux connaître avec justesse, puisqu'on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, ça dépend de plein de choses, comment définir avec justesse ma saison? Alors, pour connaître sa saison, il y a différents critères. Déjà, on va s'observer dans le miroir, plutôt le miroir face à la lumière naturelle, pas de lumière artificielle, et sans maquillage. D'accord, tout simplement. C'est bien de s'attacher les cheveux, voilà, pour pas qu'il y ait un énorme trop d'impact au niveau des cheveux, surtout s'ils sont colorés, en fait. On va partir vraiment de l'analyse des cheveux au naturel. Je vous montre les racines, parce que moi, c'est les racines vraiment qui sont naturelles. La couleur de ses yeux et la carnation de sa peau, d'accord. Donc, on va observer sa peau, on va se dire, ok, est-ce qu'elle est plutôt dorée? Est-ce que j'ai des reflets plutôt chauds dorés? Ou est-ce qu'elle est plutôt rosée blanche, plutôt rosée avec des petites, souvent les peaux rosées, pour savoir, c'est qu'elles rougissent beaucoup, par exemple, au soleil. Alors qu'une peau qui va être dorée va bronzer au soleil. On va avoir des petites rougeurs sur une peau rosée qu'on aura moins sur une peau généralement, entre guillemets, dorée. Donc, on va regarder la carnation de sa peau. On va essayer de voir chaud ou froid. Je rappelle juste que quand on parle de température chaude, c'est de la température avec des pigments de jaune à l'intérieur. Et la température, quand on parle de froid, ça va être avec des pigments de bleu qui va rendre une couleur froide. Donc ensuite, on va regarder ses cheveux, on va se dire, ok, est-ce que j'ai des reflets dorés? Peu importe la couleur de ses cheveux, parce qu'on peut être au burn aussi, avoir des reflets chauds, des roux. Voilà, le roux va être une couleur qui est chaude. Le doré, il y a des châtains qui ont des petits reflets dorés et d'autres qui ont des reflets cendrés. Cendrés, ça va être, on peut avoir des reflets, mais qui vont être froids, qui ne vont pas avoir cette chaleur, cette luminescence vraiment du doré. Moi, par exemple, on pourrait dire, tiens, oui, tu as des reflets dorés. En fait, non, ils ne sont pas dorés, c'est cendré. Enfin, là, on m'avait fait un mélange, en fait, au niveau des couleurs. Mais là, je ne sais pas comment tu le vois après la caméra, mais ceci étant dit, c'est du cendré, ce n'est pas du doré. Ma fille a des cheveux dorés et on voit la différence. C'est vraiment dans des couleurs chaudes, miel, avec une vraie, un vrai reflet. Oui, un petit peu. Oui, on sent le soleil. Tu le vois, en fait, quand tu le vois en réel, tu peux comparer et là, tu dis, ah, ok, d'accord. Donc, cendré, froid, est-ce que j'ai des reflets plutôt dorés et chauds? Et ensuite, au niveau des yeux. Alors, les yeux, c'est pareil. On va regarder donc les yeux. Là, je ne sais pas si tu vois les miens. Ils sont bleus, ils sont bleu-gris. J'ai pas de touche de chaleur dans mes yeux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment un bleu givré. Voilà. Mes collègues me disent, t'as des yeux, quand on essaie de savoir justement, de se poser des questions comme ça, à quoi ça te fait penser? Ben moi, mes yeux, à mes collègues me font penser à un iceberg. Tu vois, l'hiver, donc à de l'hiver, donc à quelque chose de froid, pas du tout quelque chose de chaud. Hein. C'est pas le désert, c'est pas du tout les grandes, les tropiques avec la mer turquoise, par exemple. Mais si tu avais eu des petits pigments comme ça peut arriver, là, même si tu as une tendance bleu-vert, tu peux changer de... Exactement, si mes yeux avaient été, si on peut avoir des bleus, mais avec des pigments un peu jaunes, un peu verts. Le vert est une couleur plutôt neutre, hein. D'accord. Mais avec des pigments plutôt jaunes, même un peu de marron dedans, un peu de... Oui. Des petites touches de marron, tout de suite, ils auraient été plus... Enfin, ça dépend du marron, mais s'il y avait du jaune dans le marron, ça aurait été plutôt chaud, en fait. Il y a des yeux noirs qui sont vraiment très profonds, comme on dit, couleur ébène, qui va être vraiment très froid, et des marrons glacés qui vont être froids, comme un marron glacé. Pourtant, c'est marron. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'instinct, j'aurais dit, j'aurais pas dit froid, j'aurais dit chaud. Mais il y a des marrons qui sont très froids. Et on parle de marron glacé. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est du marron, mais on a enlevé toute source de chaleur en fait dans la couleur, alors qu'un marron noisette va être chaud parce que de toute façon le noisette on a mis du jaune dedans. Enfin voilà, vraiment une question de balance et puis surtout après de globalité, c'est-à-dire comment on va, qu'est-ce qui ressort de ce que tu vois en fait. Il faut toujours aussi penser souvent quand tu te regardes dans le miroir, aux saisons. À quelle saison tu pourrais appartenir? Est-ce que tu es plutôt, tu vois, printemps avec des couleurs chaudes, des couleurs assez claires ou lumineuses, mais dans des tons assez chauds, ou de l'hiver avec des tons quand même qui sont froids, des tons qui sont assez sombres, mais aussi qui peuvent être aussi lumineux, mais quand même dans des tons un peu plus forts. Est-ce que tu es plutôt automne? Alors là, l'automne, ça va être dans les oranges, les jaunes, voilà, toutes les couleurs vraiment très chaudes, très chatoyantes. Comment tu te vois en fait? Voilà, ça peut être aussi de manière tout à fait pragmatique. Oui, voilà. Voilà, ça plus. Donc tu peux essayer par toi-même de trouver ta couleur. Ensuite, nous, on fait une forme de draping, donc c'est un test avec les foulards. On va poser des foulards en fait sur la cliente pour vraiment se rendre compte de l'impact et du reflet de la couleur sur le visage. D'accord. Est-ce que justement il y a des grandes tendances, donc dire je suis été, je peux porter telle gamme de couleurs, je suis hiver, automne, etc. Est-ce qu'il y a des grandes tendances justement sur la, on parle de 12 saisons, mais déjà sur 4 saisons, ou est-ce que c'est vraiment sur les 12? Tu vas avoir des grandes tendances là, par exemple. Attends, je dois avoir ça quelque part. Voilà, on peut appeler ça, donc c'est la chromatique des couleurs, hein, donc qui est divisée en fait en deux avec ce qu'on appelle nous les couleurs froides, donc qui vont se situer ici, et les couleurs chaudes, d'accord? En sachant que chaque couleur peut être froide et chaude. Mais il y a quand même les grands principes de couleurs. Donc, tu vois, toutes les couleurs un peu jaunes, orangées, rouges, vont être plutôt dans le aussi, là, il n'est pas mis plutôt turquoise chaud, vont être dans le chaud. Et toutes les couleurs plutôt bleutées, vert aussi, plutôt rose, violet, vont être dans le froid, en gros. D'accord. Oui, voilà, il y a quand même des grandes tendances. Et puis après, il faut peaufiner après, avec justement le genre d'atelier que tu proposes. On en reparlera un petit exactement. Peu. Exactement. Si je peux te montrer juste pour que vous ayez une idée, le printemps, par exemple, tu vois, là, je vais avoir un printemps, ce qu'on appelle intense. Voilà, il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Là, c'est vraiment Un petit et déjà, il y a beaucoup de couleurs finalement. Et là, on est juste sur le printemps intense. D'accord. Voilà. Et là, tu es sur le printemps. Donc, printemps plutôt clair, en fait, on va dire, et printemps plutôt foncé. D'accord ? Donc, les deux couleurs sont là, tu vois. C'est quasiment toutes les mêmes couleurs, sauf que dans une, on a mis des pigments de noir hein, un petit peu plus présents, donc ils vont foncer la couleur, pour la plupart. Hein. Pas pour tous, mais pour la plupart. Voilà, quand je te montre. Et on retrouve beaucoup de couleurs quand même. Donc, voilà, on peut avoir une garde-robe quand même variée. C'est à peu près la même gamme, tu vois, de couleurs, sauf une un peu plus claire, un peu plus foncée, un peu plus lumineuse, mais en gros, c'est un peu la même gamme. Donc, en fait, une fois, moi, je trouve effectivement que ça peut être complexe pour les clientes de se retrouver après en se disant, alors, t'es claire, nanana. Alors, ça, c'est un peu compliqué, il faut l'avouer. Donc, sa garde-robe, lâcher dans un magasin, c'est... Ce que je conseille à mes clientes, c'est, OK, on sait qu'on est été, on sait qu'on est été plutôt... Bon, qu'on est été, voilà, qu'on est couleur froide. Après, tu peux aller, donc là, je ne sais pas si je l'ai, tu as l'été ou avec dans des couleurs beaucoup plus hiver intense, tu vois. Donc ça, c'est des couleurs froides, mais en hiver. Donc beaucoup plus présentes, beaucoup plus marquées que l'été clair, froid. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, quand tu as cité ma gamme, eh bien, d'une manière générale, les couleurs qui vont m'harmoniser, moi, ça va être plutôt le clair. Donc, je vais aller plutôt dans des couleurs qui sont claires d'une manière générale, voilà, dans les accessoires que je vais acheter, ce sera plutôt du clair. Ou là, tu vois, je porte pareil, un petit haut qui est doux, un bleu doux, le jean délavé, donc une couleur qui est douce. Donc, ça me va, ça, on est OK. Mais... J'aime bien ces couleurs quand même. Et voilà. J'ai envie de les mettre quand même. Et bien, ce que je conseille à mes clientes, c'est qu'on peut rester, on les aime aussi hein, dans sa carnation comme ça de couleurs. Et pour des événements, par exemple, ou si tu as envie, mais tu peux avoir aussi, je ne sais pas, une présentation à faire, tu veux apporter plus de caractère, parce que les couleurs douces, quand même, elles représentent quelque chose, elles renvoient une image de toi. C'est ce que j'allais dire, c'est et pour soi, pour la confiance en soi, mais c'est aussi l'image qu'on va renvoyer aux autres. Et en fonction des circonstances, on n'a peut-être pas envie de montrer notre vrai nous et de donner une autre image. Là, ce qu'on fait, c'est que si on est plutôt dans l'éclair, on va accessoiriser avec ses couleurs, ça même les couleurs froides, mais dans sa catégorie au-dessus, vraiment sur l'hiver. Et on peut marquer un petit peu plus, que ce soit au niveau du rouge à lèvres, que ce soit au niveau du foulard qu'on va porter, voilà, ou des boucles d'oreilles, ou on va porter dans notre gamme toujours claire, mais beaucoup plus soutenue. Ça va apporter peut-être plus de caractère à notre image. D'accord. D'accord. Et on fait important. Ça pareil avec les couleurs chaudes. Donc, je conseille de rester dans sa gamme, mais d'accessoiriser par petites touches dans des couleurs beaucoup plus présentes, plus intenses, quand on a besoin voilà, de s'affirmer voilà, davantage. De s'affirmer. Ou même, il y a des jours où on a envie de… Ouais. Voilà. Aujourd'hui, hop, j'arrive. Ça, oui, c'est important. C'est important de ne pas rester cloîtré après dans sa gamme, dans sa palette de couleurs, parce qu'en fait, ou à l'inverse, des gens qui paraissent un peu sûrs d'eux ou un peu agressifs, ou l'image qu'ils peuvent renvoyer, peuvent mettre à l'inverse des couleurs plus douces qui vont atténuer, qui vont rendre en tout cas l'image de la personne plus entre guillemets communicative, sociale, etc. Communicante, sociale, etc. Voilà, donc on peut jouer avec ces gammes de couleurs, on n'est pas obligé de rester non plus, surtout pas d'ailleurs cloîtré, parce que sinon c'est quand même, il faut s'amuser, il faut jouer avec, il faut se faire plaisir tout simplement, donc c'est important. Par contre, on va vraiment plus se focaliser sur ce qu'on disait, le make-up, voilà, le fard à joues, la tonalité au niveau du fond de teint, est-ce que c'est plutôt du doré, est-ce que c'est plutôt du rosé, voilà, ça c'est des choses, faut le savoir, il faut porter le bon make-up, parce que c'est vraiment pour le coup la luminosité de notre teint, de nos yeux, de notre sourire, de notre présentation en fait qui va être en jeu. Très bien. Merci beaucoup, Fabienne, pour tous ces précieux conseils. Et évidemment, donc là, on a plein de clés maintenant pour connaître notre saison et puis un petit peu s'amuser avec notre garde-robe, make-up, on a dit les accessoires. Mais il ne faut pas hésiter surtout à avoir recours à un professionnel comme toi, Fabienne. Donc, tu es coach en images certifiée et tu proposes donc des types d'ateliers justement pour un petit peu rentrer plus en détail et ainsi voilà, donner vraiment toutes les clés pour que la personne... En fait, les personnes, quand elles viennent chez toi, après, elles repartent, mais tu fais un transfert de connaissances, on en parlait la dernière fois. Donc, c'est après, vrai. Elles partent et puis elles sont complètement autonomes pour, voilà, pour connaître les principes et puis après, savoir s'amuser. Tout à fait, c'est primordial. Transfert de connaissances, c'est que surtout que tout le monde puisse être libre après de savoir et de pouvoir s'amuser après avec ce savoir. Tout à fait. Tu dispenses tout, plein de bons conseils voilà, sur la thématique du coaching en images, donc des thématiques multiples et variées. Je vous invite à retrouver Fabienne sur son site internet chicetethique.com. Toutes les informations, on pourra la retrouver dans le descriptif de la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt, Fabienne, pour le dernier volet de la colorimétrie. Avec plaisir, à très bientôt, Émilie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.